rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial chronique du Wati Boss Volume 2. Et c'est déjà la dernière dans Planète Rap. Bienvenue à vous tous. Dawala, le Wati Boss est là après un jour de sèche. Tu n'étais pas là hier. Ouais, le Mali, ils ont perdu. Oui, c'est pour ça. Donc... face à l'Algérie, 1-0, c'était avant-hier soir. Ouais, c'était avant-hier soir. On a eu chaud. Non, j'avais voyagé en fait, donc j'ai pas pu être là. Mais j'ai bien entendu, j'étais à l'écoute. YB, il a mis ça. Franchement, il a mis un. Fort. Il a mis ça haut. Franchement, très, très à lui. Fort. Bon, il y a une belle équipe dans le Wati Boss. On peut voir toute la semaine. Lundi, il y avait la Vendetta avec Dry. Ils ont mis ça haut. Il y a eu Maska qui est venu pour défendre son projet aussi qui va sortir. Et le morceau avec Abou de Bang qui nous ont fait en live. Voilà. Et YB, il est venu la kicker ça. Et aujourd'hui, c'est Red Cross. Qui nous arrive tout droit de Belgique. Voilà. BX. Ouais. Ça va bien, messieurs, en pleine forme? Tranquille, hein? Eh ben, bienvenue, on va faire connaissance avec vous dans quelques minutes pour ceux qui ne connaissent pas encore Red Cross. Et comme tu parlais de ce qui s'est passé durant cette semaine, on va se faire maintenant le zapping de l'émission. De toute la semaine résumée, allez, en 4-5 minutes. Ça donne ça, écoutez. Le replay. Voilà. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur ces chroniques du Wati Boss? Franchement, les chroniques du Wati Boss, voilà, ça représente tout le travail qu'on fait, tous les jeunes qui sont signés chez nous, les anciens qui travaillent. C'est ça qui fait pour moi le dur, c'est ça qui va faire voilà, que le Wati B va réussir à passer à notre cap. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Oh, le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Oh, le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Oh, le billet facile. Les kickers, amenez-vous les kickers. On sait tout faire. On sait tout faire. Tu veux un hit, on le fait. Tu veux un son gang, voilà qu'on le fait. Abou de Bang. Maintenant tu vas assumer. Abou de Bang. On parle de ton équipe. On perd ceux qui crèvent, après ça on équipe. Votre ton titre, on parle de vos critiques. C'est quand t'es un as, on parle des pics. On parle de vos gimmicks. Arrêtez les mimiques. Quand ça kick, allez-vous sur le beat. Les vérités, c'est profond. Qu'elle gagne de la gorge de tout monsieur Smith. 3h du mat, poto, j'suis dans le club. Entends rien, trop de chef. Ramène-moi de ma gomme, maman, tu champes et deux paquets de coffre. Ça fait 2 heures qu'on a quitté le bloc. Pas de bubus pour dans le coffre. Flair, ambiance, Star Wars, c'est je leur montre. Vas-y, dis-le. Wati Boss. Elle ne m'a jamais épousé. Yeah. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. Jamais. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait si sur la même longueur. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Une grosse sortie pour le label Wati B, c'est la sortie de Maska, ça approche. Ouais, ça approche. Dans un peu plus d'un mois. Dans un mois. Le 20 octobre. Là, ça fait 3 ans que je travaille d'arrache-pied sur cet album. Où on écoute, on se remet en question, on progresse. J'ai même pris des cours de chant pour pouvoir peaufiner le truc. Donc, est-ce que ce soir, on a, je sais pas, est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Est-ce que Tu es venu avec un petit cadeau ce soir? Ouais, toujours un petit cadeau, comme tu le dis. Là, on va faire plus une performance rap, très rap, avec Abou de Bang qui est là. Et c'est un morceau qui se trouve sur mon album Espace-temps. Il s'appelle Ying et Yang. Ying et Yang. Ouais. T'as déjà parlé au poste, hein. Sois gentil, ne me parle pas. Dans mon cœur, y'a du monde, hein. Et pour toi, y'a pas de place. Ouais, je sais, je me rabatte. Ouais, je sais, j'ai pas de barbe. Adama me le rappelle. Fais ça là, t'as pas le choix. Ouais, je me guille, on s'est connu en volant cette fille. Regarde ce qu'on a vécu, elle est pas violente cette vie. Descendre prêche en Italie, remplir des zéniths. Ils savent pas qu'on est des frères avec ou sans la musique. J'ai dans le sang la musique comme un virus nuisible. Ouais, sérieux, c'est easy pour nous te faire des tubes ici. Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un tour dans la rue maintenant. On y a été, on a été demandé aux gens ce qu'évoquait pour eux le nom Wati B. On écoute ? On écoute. Allez, c'est le son de la rue maintenant sur Skyrock. Skyrock. Attends, c'est sérieux ? Eh là, je pense. Je m'en en direction sur Skyrock. Tout le monde écoute, c'est, ça rentre vite dans la tête. On s'ambiance bien avec, ça va. C'est jamais écouté, quoi. Pour l'été et tout, c'est cool. Je suis pas fan, mais j'aime bien, quoi. J'apprécie. Ils savent donner goût à tout le monde. Donc ils ont tout compris à la musique. Le Fa, j'ai dit, reviens sur la scène. Ah ouais. C'est pas la section d'assaut, ça. Ça y est, c'est fou, je t'en jette. Dans ton Marcel trop serré. Et par contre, soyons clairs. C'est fou ce que t'es teubé. Ça fond, oh oui, c'est pour moi. Ça fond, oh oui. Tu te rattrapes pas comme ça. Tu te rattrapes pas comme ça. Ça fond, j'ai pas du délapier. Ok, t'es stressé, pète une clope. Je veux faire le tour du globe. J'ai choisi la musique, le rap et tout ce que ça englobe. On bosse pour être au top, éviter le flop. Je dis pas mes sentiments, j'garde tout en moi comme une enveloppe. J'ai gratté, gratté, gratté de minuit à 6 o'clock. Je suis pas ce bandit, je n'ai pas de fusil, mais chacun de mes mots fait le bruit d'un clock. Clic, clic, boum, j'arrive en bras, demande à Black M. Droite à la trentaine, tu lui casses la tête, tu fais 400 vues, tu ne perdras plus. Personne ne m'arrête, à part Dieu, personne ne m'arrête. Dans tes steaks, tu pars que d'un, mais t'as tiré sur ta cigarette. Allez, arrête, autour de moi, y'a un tas de voyous. Mi a good my youth, mi a good my youth. Lui, j'entends Batman, mi a good my youth. Ok, le texte est thug, et dis-toi que là, j'ai à peine la haine. Voilà pour ce replay du Whatty Boss de la semaine, les chroniques du Whatty Boss avec ce soir donc Red Cross à l'honneur. Tu veux dire un petit mot d'ailleurs sur Red Cross, Dawala? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Comment tu les as repérés? Pourquoi ils sont sur Whatty Bay? C'est eux en fait. J'allais à la Whatty boutique et je suis tombé sur trois jeunes qui m'ont bloqué sur le côté et qui m'ont dit c'est toi Dawala. Écoute, t'as vu, nous on vient pas d'ici, on vient d'une autre planète. J'ai dit c'est où? Ils m'ont dit c'est BX, où ça kick dur et tout ça. Et voilà, on a envie de faire du son. Et j'aurais dit ouais, ça va être dur. Mais ils m'ont dit non, on veut faire du son, on est motivé, on veut. Et j'ai vu leur motivation. Mais j'ai fait, mais comment vous avez fait pour venir ici? Vous êtes jeunes là. On a dit on a fraudé, on s'est fait attraper au moins 8 ou 9 fois, on voyait pas. Et là, tout ça en un seul trajet quoi, 8 ou 9 fois. Non, ils sont venus plusieurs fois. Ah, vous êtes venus plusieurs fois? Ils sont venus plusieurs fois. Mais eux-mêmes ils vont parler de toute façon. Ça va bien, messieurs? Oui. En forme, vous êtes tranquille? Tout va bien. Bah, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu. Vous étiez venu déjà d'ailleurs. On est venu deux fois. Ouais. Deux fois, notamment aussi pour les chroniques du Whatty Boss Volume 1. Mm-hmm. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé depuis alors? Depuis, ça taffe. Ouais. Je vais pas te mentir, on sort pas de la tanière, frère. Mm-hmm. Et voilà, tous les jours, ça bosse des nouveaux sons. Et voilà, bientôt casse départ. Le 9 février. Tiens, 9 février 2015, ouais. Ça y est, la date est arrêtée. Ouais, la date est là. D'accord, 9 février 2015, et puis ce soir du live avec vous aussi. Un gros freestyle. Le niveau, il a été haut, toute la semaine, il a été haut. Donc là, Red Cross, vous avez la pression, hein? Aucune pression. Regarde, ils sont en toute décontraction pour Red Cross. C'est ça que j'aime avec eux. Bon, on va écouter un morceau pour débuter, puis on reviendra aussi sur le parcours de Red Cross. Les chroniques du Whatty Boss le 15 septembre. Le billet facile. Un petit billet facile. Billet facile. Allez, c'est parti. On est ensemble. DRY. T'es où? 9-4, gros. Black M vient de faire son entrée. TN Crew. Je suis un vantard, prêt à vendre la rate pas pour un costard. Si je me trouve ici, tu n'es forcément nulle part. Certains pourraient se crever les yeux pour qu'on les regarde. Les méchants c'est des sapes afin que tu les le sapes. Dans un sharing depuis que t'as eu son WhatsApp. Petit canard, maman t'a appris à dire stop. Pour te voler le billet violet, bien sûr qu'elle frotte. Sexy lady, ton homme on va taser. Franchir ce cul, mes négros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, 32B. Faut que ça se finisse en soirée, Mayabé. Quoi que disent les gens sur toi, plus rien à foutre, les sons, les jugés. Demain tu reprendras ton tas. Mais soir c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ma chérie l'argent te fascine. D'où viennent tes racines? Ton choix de vêtements m'assassine. Les passants saccadés, on rentre dans la ronde, fait un malin. D'Abidjan à Douala, partout dans le monde, fait un malin. Congolais, expérience apologie. Yeah, les chroniques toujours le 15 septembre. Avec le sexe opposé, on interagit. Agile, sont les miens, si agadji. Docile, ça jamais demande un bad night. Si je rince, c'est que je veux passer une bad night. Comme Michael, touche le ciel sans mes airfly. Quand je vois Spy, tous mes amoureux de la base. Quoi que disent les gens sur toi, plus rien à foutre, les cons, les jeux. Demain tu reprendras ton tas. Mais soir c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, l'argent va sans façon facile. What you been fascine? Les gars là sont sapés façon d'avant. Je suis sénégalais et pur souche, pas une petite frappe. Je n'ébauche le cauchemar des Sistra. Je sais très bien que juste pour la mala, je pourrais poser 10 bouteilles même si je tisse pas. Bien, bien, les montres et les petites sapes. Dommage que la fin du mois soit ricrac. Je ne sais guère ce que veulent ces petites tasses. Quitte là pour les Schnexer, j'ai du whiskas. Mon gava, y'a pas si longtemps que ça. Tu ne regardais pas, mais ton fameux me c'est dans du chine, c'est KL. Ma dégaine, le charisme et le style. Ce soir, je compte bien faire du boucan, surtout Paname. Quoi que disent les gens, je sais qu'à plus rien à foutre, les gens les jugent. Demain, tu reprendras ton tas. Mille soirs, c'était là pour t'engager. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile, hein? Le billet facile, hein? Ce soir est le billet facile, hein? Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile, hein? Le billet facile, ce soir est le billet facile, hein? Le billet facile, le bang à le billet facile, hein? Allez, allez, le billet facile, le billet facile, hein? Le billet facile, le billet facile, hein? Le billet facile, le billet facile, hein? Le billet facile. Congo, Kinshasa, Brazzaville. Ha! Et Dawala, il a le billet facile ou pas? Quel billet? Le billet en franc CFA. Il est facile celui-ci? Les CFA faciles. Extra facile. Très facile. Facile. Bon, à l'instant, c'est extrait des chroniques du What's Boss volume 2 Black M. On le disait qui vient d'arriver, ça va bien? Ça va très bien. Il paraît que ce soir, hier soir, tu m'as pas dit qu'il y avait un particulier ce soir? Ouais, je vais t'annoncer un truc. Une exclue en fin d'émission. D'accord, donc en fin d'émission. Fin d'émission, ouais. Fin d'émission, une exclue que tu vas nous annoncer. Une exclue, ouais, en fin d'émission. Qu'est-ce que tu fais, Dawala? On l'a vu la manger. Je viens de manger. Dawala, tu penses à tout. Il me sécurise. Il y a la télé, la vidéo. C'est vrai qu'on peut mater les images, tu as raison de le préciser sur Skyrock FM. Sur Skyrock. Sur les applis aussi, hein, l'appli Skyrock, allez mater l'émission. Allez mater vite fait et n'oubliez pas que l'album est disponible dès maintenant. En téléchargement. En téléchargement. En précommande. En précommande. En préco. Et qu'en plus, dès la semaine prochaine, vous débarquez dans plein de villes. Exactement. Des villes, on sera à Paris, on sera à Marseille, on sera à Montpellier. Les dates? On sera à Caen, on sera à Bordeaux et à Toulouse. On sera à. Et à Never. Ce sera le 27 septembre pour Never. Voilà. Sinon, ça débute dès lundi, en effet, à la Wattie Boutique. Venez avec votre album. C'est en après-midi, hein, je dis ça pour les gens dans les boussées, vers 16h. À partir de 16h. La plupart du temps, sauf à Bordeaux, à 17h30. Voilà, venez avec votre album et voilà, vous aurez le Wattie cadeau. Tout le monde part avec un Wattie cadeau. Tu viens, tu donnes, et à la fin, on te redonne. Un Wattie cadeau. Parfait. C'est le Wattie B. C'est sur Skyrock entre 20 et 21. Avant de revenir aussi sur le parcours de Red Cross dans quelques minutes, est-ce qu'on met un morceau aussi, un autre morceau des chroniques du Wattie Boss volume 2? Bon, on va mettre le morceau, de Red Cross. Très bien. Vous voulez dire un mot sur ce morceau, messieurs? C'est un morceau qui s'appelle... Qui s'appelle Ne me juge pas. Ne me juge pas. Ouais, Ne me juge pas, c'est un morceau important pour nous. En featuring avec Dry. Ouais. DRY. 9-4, ouais, le grand frère. L'amiral. Et voilà, c'est un morceau qui est hyper important pour nous. Pourquoi? Parce particulièrement qu'en fait, celui-ci. On l'a écrit pour un gars à nous en fait. D'accord. C'est une histoire d'un proche à nous qui nous a inspiré ce d'ailleurs dédicace à lui, Bema Grâce, Bema Dor. Voilà, je sais qu'il nous écoute. Et bon, on va l'écouter. En direct de BX. Ne me juge pas, c'est extrait des chroniques du Wattie Boss volume 2. Zargo Manu. Ne me juge pas. Tu connais ni ma situation ni mes choix. Mes valeurs et mes principes concernent que moi. Les gens sont habitués à insinuer ce qui n'est pas. Donc ne me juge pas. Red Cross. Ne me juge pas. Ne me juge pas. Sache que tu peux dire ce que tu veux, tu pourras pas me stopper. J'ai pigé que les bruits qui courent sur moi n'auraient pas de point de côté. Aujourd'hui combien nous jugent, mais combien connaissent nos vies. Et ceux qui parlent en mal de moi voudraient bien couler par profit. Pour ceux qui purgent et les réfugiés, les insurgés, les négligés. Y'a que Dieu qui peut nous juger, et ce quel que soit le sujet. Dans des ouragans de critiques, des océans de rumeurs. T'as rien à me dire ni sur ma religion, ni sur ma couleur. Mêle-toi de ce qui te regarde, à part ça rien de méchant. Je fais pas partie de ceux qui vivent en fonction du regard des gens. J'ai toujours été moi-même, crois pas qu'on sait pas ce qu'on fait. N'oublie jamais que c'est nos différences qui font nous ce qu'on est. Ouais. Tu connais ni ma situation ni mes choix. Ça aussi c'est dans les chroniques. Mes valeurs 15 et mes principes concernent que moi. Les gens sont habitués à insinuer ce qui n'est pas. Donc me juge pas. Ne me juge pas. Ni mes choix, ni mes valeurs et mes principes concernent que moi. vie, j'ai eu le choix de faire du son décédé. Prendre la voix du bitume, voir les miens décédés. Paraît que ma négritude gêne à les rendre obsédés. Ne pense pas que l'on va céder, j'ai tellement de causes à plaider. On ne juge pas un livre à sa couverture, comme on ne juge pas l'homme qui vit selon ses coutumes. Hier pour faire des tubes, je dirais maintenant je fais des tubes. J'ai délaissé les études pour une gloire dans l'amertume. Je fais ma route comme je l'entends, pense à ma vie d'antan. Plein de kérosène dans le sang, vend des démons dans le sang. On cherchait juste une vie plus décente. Des bons de la vie de Tony de décembre à décembre. Ne me juge pas. Red Cross d'RY. Ne me juge pas. Dieu, what it be? BX gros. Juge pas. Tu la juges parce que son mec n'a pas la même couleur de peau. C'est pas ça qui fait qu'elle est différente des autres. C'est son choix donc ne la critique pas. Si c'est lui qu'elle aime, dis-moi ça te regarde en quoi. On dévisage des couples parce qu'ils décident de se mélanger. C'est bizarre mais voilà la mentalité. Yeah, il ne juge pas car tout le monde fait des erreurs. Ne me juge pas sur mon apparence et ma couleur. Ne me juge pas où sont tes principes et tes valeurs. Ne me juge pas. Tu connais ni ma situation ni mes choix. Mes valeurs et mes principes concernent que moi. Les gens sont habitués à insinuer ce qui n'est pas. Donc ne juge pas. Ne me juge pas. J'adore, mais qui ont décidé d'avancer. Quoi qu'il arrive, faut rester fort. Même si ce qu'ils disent n'est pas censé. On n'a pas toujours fait les meilleurs choix. Je travaille chaque jour pour améliorer ça. Personne n'est parfait ici bas. Donc garde tes commentaires, fais ta vie et ne critique pas. Le gâteau est prêt. Allez, chercher les chemins. T'es prêt. Red Cross avec Dry, c'est sur le projet Les Chroniques du Whaty Boss volume 2 à l'instant. Mais c'est vrai qu'en plus c'est un groupe complet Red Cross, c'est-à-dire que ça chante, ça kick. On voilà. sait tout faire, ah ouais, tout, faire. Tout, ah ouais. tout terrain. Qu'est-ce qui vous a motivé d'ailleurs à un moment de partir de justement aller à la Whaty Boutique pour essayer de rencontrer Dawala, donc a priori à plusieurs reprises. Pourquoi avoir choisi le Whaty Bay, qu'est-ce qui correspondait? C'est ça en effet ce côté où dans le Whaty Bay ça chante, ça kick, c'est aussi, mais c'est surtout pour Dawala. C'est vrai. Surtout par Dawala. Pour le voilà, parcours. On sait aussi que le Whaty Bay c'est un label hyper polyvalent. Mmh. Ouais, ça nous a beaucoup motivé. Voilà. Et surtout pour la personnalité de Dawala. Exactement. Je savais pas que nous regardait depuis la Belgique. Ah, on le guettait. Le sniper. Bon, après, je suppose que t'as beaucoup aussi de demandes, beaucoup de gens qui veulent signer sur le Whaty Bay. Est-ce que là, il y a des recherches en particulier? Non, il n'y a pas de recherche, mais c'est comme ça, c'est avec le feeling. Après, il ne faut pas oublier que signer, c'est bien, mais. Mais il faut développer. Il faut sortir les projets. Il faut savoir que là, d'ailleurs, Red Cross, au mois de février, ils ont un projet qui est en préparation. C'est le 9 février. Le 9 février, dans les bacs. Casse départ. C'est pas prêt. Casse départ. Donc ouais, il faut prendre le temps de développer et que c'est, voilà. Et que c'est vrai que parfois. C'est pas facile, il faut que les gens qui sont en place, comme la section Dry, il faut qu'ils donnent des coups de main pour qu'aujourd'hui, par exemple, sur une compil comme les chroniques du Whaty Boss, on peut voir, voilà, Red Cross, on a pu voir YB, on a pu voir Linda, on a pu voir Charlie Bell. Et voilà, c'est comme ça. Et après, ils vont venir avec nous en tournée, et les gens vont le découvrir comme ça. Et voilà, c'est pas à pas, ils vont faire leur nid, on va dire. Mmh. Bah on va suivre ça en tout cas attentivement. Vous savez combien de temps pour rappeler un petit peu le CV Express du groupe de Red Cross vous êtes ensemble? Qu'on est ensemble. Ouais, depuis ça fait 5-6 ans. Mmh. Il faut savoir, dans Red Cross, il y a deux frères en fait. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le coup, en vérité, on se connaît depuis hyper longtemps. Mmh. Moi et lui, on connaît depuis qu'on est bambin. Et voilà, t'as vu. Lui, c'est son grand frère. T'as vu, lui, c'est mon petit frère. Ah ouais. Tu vois, je suis le grand frère. Je suis le grand frère du groupe. Et toi, t'as un cousin éloigné. C'est un cousin éloigné, voilà. Bon, ouais. En tout cas, un proche, ouais, c'est une histoire de potes aussi. Non, c'est pas, on n'est pas des potes. Et de famille. Voilà, c'est la famille. Histoire de famille. C'est la famille, voilà. Et bon, on va découvrir ça donc le 9 février 2015. Le 9 février. Dans les bacs d'ici là, peut-être qu'on aura aussi des morceaux qui vont arriver. Ouais. Il y a une web, ouais, une, des mini-clips, des street-clips qui vont s'appeler Redvolution. Redvolution, la Redvolution. Faites très attention à ça. Ça va arriver, ça va arriver chaud. Et bon, on va suivre ça donc le 9 février 2015, on a retenu la date. Et puis d'ici là, on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux hein, pour avoir plus d'infos. Sur Facebook, c'est Red Cross Officiel. Sur Twitter, Red Cross BXL en un mot. Et pareil pour Instagram. Et sinon, sur wati-b.com, voilà, vous pouvez voir tout là-dessus, de tous les artistes qu'on a avec le Wati B. Bon, ouais. Tout à l'heure, d'ailleurs, tiens, t'évoquais à propos du label Wati B, évidemment, le groupe qui a porté ce label, qui est Section d'Assaut. Est-ce qu'il y a un planning en tête pour Section d'Assaut ou c'est trop tôt pour parler d'un nouvel album actuellement, à l'heure d'aujourd'hui? Alors d'aujourd'hui, il y a l'album de Masca qui va sortir. Après, il y a l'album de Vendetta qui va arriver. Et après, on va réfléchir pour savoir quel projet on va sortir. Mais en termes de, parce qu'on avait annoncé ici même à l'antenne de Skyrock le retour des rois, le nouvel album de Section. Ouais, mais est-ce que c'est voilà, c'est trop tôt pour en parler. C'est... Là, je pense que c'est un peu trop tôt, mais on pensait pas sortir chacun un projet. Et voilà, avec la réussite qu'il y a, par exemple, au projet de Black M. De Black M. Mmh. On va pas s'arrêter là. Peut-être que ça va durer un an. Donc on peut pas parler tout de suite de le retour de roi tout de suite. Je pense que c'est un peu trop tôt. C'est trop tôt pour en parler. Voilà. Là, on va parler de l'album de Mascar. On va parler de l'album de JR et de Dumas. Et peut-être du prochain projet de Dry. Et on sait qu'il y a Shinsekai qui arrive aussi avec un album. Il y a Red Cross aussi qui arrive avec leur projet. Il y a les filles aussi. Il y a Linda et Charlie qui arrivent avec leur projet aussi. Mmh. Donc il y a beaucoup beaucoup de projets. C'est pour ça que je te disais dans le label, aujourd'hui dire qu'on va signer un nouveau artiste, c'est un peu compliqué. Bah, après c'est le feeling. Après c'est pas tout de signer. On l'a vu avec BY hier qui a été repéré par Black M d'ailleurs. Ouais, il a repéré, il m'a dit d'avoir. Regarde ce petit peu. Il est lourd, il met des gifs, je regardais. Je dis BY, Wati. C'est un signe. C'est un signe. En plus, c'est kické, il avait un petit style à lui, tu vois, il a un feeling et. Il nous suit en plus depuis longtemps, lui. Ça fait longtemps qu'il kiffe le Wati B, il a eu le feeling direct. T'as bien vu hier comment il a kické. On voit que c'est quelqu'un qui est content d'être dans le label. C'est quelqu'un qui gratte, il fait que de gratter. Tous les jours, il appelle. Ah ouais, t'as vu, regarde, j'ai fini ce texte, il est lourd. Non, vas-y, continue. Tu vois, il faut travailler encore. On sait, il faut au moins un an ou deux ans, il faut voilà, que les grands frères comme Black M, comme Masca, JR, Domams, Dry. Quand on sort les projets, on essaie d'inviter les gens du label pour qu'on puisse les mettre devant. C'est important. C'est ça la famille en fait. Et c'est ça qui fait la force du Wati B. C'est ça que je disais. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on essaye tous d'être unis, que ce soit les danseurs TN Crew, que ce soit les chanteurs ou même le producteur ou même les gens qui travaillent autour du label qu'on voit pas, que ce soit Doumams ou Rachid ou Axel ou Raja. Tu vois, ça c'est des gens importants. Et encore, j'en passe. Hein. François, plus tous ceux qui sont avec les Wati boutiques et qui voilà tous ceux qui travaillent dans les Wati boutiques à Marseille, Medji, il y a du monde de fou. Bon, et en plus on est posté partout à Lyon, voilà. Le Wati B c'est une famille et c'est ça qui fait aujourd'hui la force. C'est pour ça qu'on est là. Et tant qu'on restera ensemble et on restera soudés tous ensemble et derrière le grand frère Dawala, je pense que ça va être difficile de les déloger. Et ben on suivra ça en tout cas pour toute l'actu. Et puis là il y a donc les chroniques du Wati Boss volume 2. Alors ce soir j'ai le billet facile, regarde ce que j'ai dans cette petite enveloppe. Ah il y a un billet facile. Les deux dernières places. Ça c'est la place facile ça. Les deux dernières places. Mais demande places la place, j'y vais là tout de suite. Pour Beyoncé et Jay-Z. Le concert va débuter d'ici une demi-heure. Qui vient faire tourner la roulette? Ça va mademoiselle? Ça va. Et ouais, on fait tourner une roulette en live. Applaudissez. Elle là. Les gens vous la voyez pas. Elle est partout. Attends. Ça se trouve, elle va tomber sur la case banqueroute. C'est quoi ça cette case? Si c'est banqueroute, on va lui donner. Fais-nous tourner, Fab, s'il te plaît, la roulette. La roulette qui va tourner. Edith, ça va? En pleine forme? Oui, toi. T'es prête à partir tout de suite en courant là? Je suis prête. Edith, tu vas gagner. Laisse ça. Tu l'as toute dernière. Tu vas rester avec lui. C'est les deux dernières places qu'il y avait ici à Skyrock. Toute dernière. Et la roulette, tu dis stop quand tu veux, ça tourne. Ouais. Déter. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur... Allez, cours, vas-y, cours, tiens. Ouh. Vas-y, dépêche-toi. Hey, dude, hey. Edith, on va te suivre, on va t'appeler, on va te passer un coup de fil d'ici un quart d'heure, tu nous diras où tu es. Vas-y, cours, cours, cours, Edith, faut y aller. Ils sont sur scène dans, allez, dans 30 minutes, Beyoncé et Jay-Z. Elle bombarde. Voilà, le billet facile. Billet de concert, billet facile pour Edith. En direct sur Sky. Ça y est, Edith, même pas le temps de dire au revoir, pas de dédicace. Ouais, sans beurre. Allez, parti, direction le Stade de France, qui est grosso modo, allez, une demi-heure d'ici du studio, donc elle devrait pas louper trop le début. Il y a Nicki Minaj qui est présente d'ailleurs aussi ce soir au concert de Jay-Z et Beyoncé. Ah ouais. On nous a dit, on a appris au dernier moment. À la dernière minute, elle est là, elle est à Paris. Elle est en pleine forme, il paraît, Nicki. Elle a eu un petit souci ces derniers temps. Je sais pas si vous avez vu les images là. Sur le... Elle a quoi? Petit souci de fessier. Ah, mais ça, c'est depuis le début de sa carrière, son souci de fessier. A priori, ça a pété. Il y a un truc qui a pété dans une de ses dernières prestations, mais là, elle va bien. Donc, toute vraie... méfiez-vous quand même si vous êtes au premier rang. On sait jamais. Un accident est si vite arrivé. Bon, allez, sur Skyrock, on revient dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on met juste après la pub d'Awala? On va mettre le deuxième morceau de Red Cross, ouais, qui est en ligne en direct sur le wati-b.com, en direct le wati-b.com. Là, vous pouvez aller voir le gros clip en direct de BX. Ouais. Donc en direct, le morceau qui s'appelle CDW. Ça kick chronique sale, du très très sale. Ouais. C'est dans un instant, juste après la pub, ne bougez pas. Comme toi, le Wattibé a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. Et dans un instant, il y a du live, va pas louper. Il y aura aussi une annonce faite par Black M, une surprise, je sais pas. Yes. Pour les 15 ans, on va nous faire une surprise. D'accord, je m'inquiète pas. Ce sera en fin d'émission, à pas louper. Il y a un petit problème sur le live, a priori, Momo. Je sais pas ce qui se passe, on va régler ça, mais il y a un problème parce qu'il y a plein de messages en disant le live va péter. Donc peut-être qu'il y a trop de monde qui regarde en même temps l'émission, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les chroniques du Web Petit Boss volume 2, on met un morceau, on avait promis le morceau de Red Cross. On va mettre le morceau, le clip est arrivé. Est disponible sur wati-b.com. Allez le regarder. Il est lourd. En direct, le morceau, il est très très lourd. Ouais. À toute façon, il va y avoir une petite exclue là. Il va y avoir un petit freestyle là. Un gros freestyle. Bah là, on va lancer. Ouais. Vas-y, on va lancer le morceau. On lance juste avant. Il y a aussi la question pour repartir avec le CD dédicacé par toute l'équipe. Mais là, attention, ce soir, grosse question. Vous allez me citer au 41759 ou avec le hashtag Wattibos sur Skyrock tous les artistes du label Wattibé. Allez-y. Si vous n'en oubliez aucun, vous repartez avec les chroniques du Wattibos volume 2. Et là, on écoute donc le projet de Red Cross tout de suite. C'est parti. Poteau, pas derrière mon dos. Oui, oh non, ça fera les abdos. La puissance respecte la puissance. Moment de Paris. Cristal. BX. J'ai des rappeurs à régler. Vous ne pouvez me parler pas. Vous les tueurs sont cœur, dis-moi, en faites pas. Les fins de reste, putain, débat. On vous fera plus avant gaz débat. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je veux de la main, demande-moi, je t'en prête. Fais un feat avec Moustache, sur qui t'es pas prêt. D'abord, je te fais tuer, mais t'as ton cap après. La plupart d'hommes ne connaissent pas la sonnie. Donc, je conseille d'éviter de me faire des calomnies. Je dis que des vérités, mais tu peux le faire de méditer. J'ai mérité ma signature avec le label Wattibé. Hey, pas la peine de parler malade de rêve. On s'en bat les couilles, on est pas là pour faire des querelles. Une grosse dédicace à d'avoir vendu ta idée. Ils veulent pas qu'on grimpe, ils savent ce qui se passe si j'arrive au sommet. Red Cross pour la guerre, on est fin prêt. Tu vas flopper, l'inverse m'étonnerait. Pas de pêche, j'envoie des rafales dans vos cavus. Respect quand les grands du check sont de salut. Là j'écris vos blagues sur des pierres tombales. Fais ta hier prise si tu voulais qu'on se calme. J'en ai rien à foutre de vos suggestions. Oui, je sais mon entourage est truffé d'espions. Je vais te faire une confession, pas d'impression. Je rafale sans confession, je mets la pression. Pense que les gens pensent, que les gens disent. Je suis le même temps que mes poches se remplissent. Même sans la crise, t'allais pas vendre un disque. Je la caisse, je la caissière et la franchise, ouais. Red Cross, on est au garde à vous. Et j'en place une pour les mecs au garde à vue. On va vous sauter sa voix avant qu'on la roue. Feuille d'air dans mon équipe, y'a pas d'intrus. Papa, on va les faire morfler. Ratata, on va les faire danser. On les intercepte, pourtant c'est pas sorcier. Et tu sais que le Wattibé peut t'allumer sans forcer. Chronique du Wattibé. Tu crois que t'es dans le coup. On va vous terrasser, vous remettre dans le coup. La plupart de tes flots valent pas. Les alchimistes, tu sais ce que ça fait de passer en dessous d'où. Si t'es pire qu'une photo ratée. On se prend neuf, la famille de Tchekar va tous nos causes. On cache un trésor, c'est pour ça que nos sons vont se faire pirater. Ton buzz avance des mini-millimètres. Donc je vois ton flop arriver des millions des kilomètres. J'espère que maintenant t'as bien compris dans le game c'est kilomètre. Pas le temps de chipoter, on vous donne le champ pour le mettre. C'est des mini-mini, mais je suis trop d'air. Ton poumon est minimisé, frère, reste en dèche. Je suis tellement balèze que j'ai l'empire d'entèche. Le bruit des sacs à main des fumeurs sont trop rush. YB, je suis seul, rôle auto du roi. normal, je clique jamais dans l'anonymat. Si t'as pas d'inspiration, photo, photocopie, moi ce que je fais, c'est l'infroyable, ne m'applaudis pas, je m'en perds de leur vie. Tant qu'ils parlent pas de WAM, fais Bellex, ça tourne vite au Kawan. Et tes sables viennent de Shanghai ou de Taïwan, donc tu pourras pas venir me dire que la vie fait pas le monde. Toi, tu veux que je me dépense tes verbis, t'as pas l'habitude d'être par tes services. Je te répète, on a beaucoup de rappeurs à régler. Bref, je n'ai pas le temps de montrer des règles. Si je te dis KDX dehors, c'est gore. Red. J'en ai rap, on craint ton vol de mort. Red. Demande à la rue, tu nous claches tes morts. Red. Viens nous voir en freestyle si t'es fort. Ok. Red Cross, on est au garde à vous. Et j'en pleure, c'est pour les mecs au garde à vue. On va vous sauter sa voix avant qu'on la roue. Solidaire dans mon équipe, y'a pas d'intrus. Papa, on va les faire morfler. Ratata, on va les faire danser. On les enterre, cette photo, c'est pas sorcier. Et tu sais que le roi, tu peux t'allumer sans forcer. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Oh non. Écoute ça. Poto get le seum, poto get mes herbes, poto get mes herbes. J'ai une pensée pour Bema Grasse qui a pris du ferme. On est blindé comme les Farka. Chaud sous toi comme ta chapka. Votre poteau vous a mis droit de car. Maintenant va vous faire danser la polka. Négro, j'ai pas de plombé, j'ai tous les plombés. Pas le temps de pioncer, ni le temps de danser. Les paroles sont lancées, c'est pas parce que mes idées sont sombres que j'apprends français. Red Cross BX et le Twitter, la même chose pour Instagram. La ton cul sert à rien, comme un dealer à Amsterdam. Hein? Poids typé sous le torse, poteau bien plus dangereux qu'un corse. Négro, c'est qu'on arrive en force. Marie le Gif, Cyril, voici soldat. Non, voilà, j'ai tout compris. Yeah. Les groupes, ils veulent me voir à tout prix. Yeah. Le mal est prison, donc je le prie. Le clip est disponible. Red Cross, on est au garde à vous. Et j'en pleure, c'est pour les mecs au garde à vue. On va vous sauter sa voix avant qu'on la roue. Solidaire dans mon équipe, y'a pas d'intrus. Papa, on va les faire morfler. Ratata, on va les faire danser. On les enterre, cette photo, c'est pas sorcier. Et tu sais que le roi, tu peux t'allumer sans forcer. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Oui, c'est chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Chronique du roi, tu passes. Le clip est en ligne, allez-y, le maté, il est lourd. Lourd, Red Cross, à l'instant, c'est extrait des chroniques du Wattibos Volume 2. Et le clip, en effet, est en ligne. Il on peut mater, voir les images de Red Cross. On va saluer aussi les nouveaux arrivants. Il y a monsieur Abou de Beng. Abou de Beng, yeah, yeah, yeah, Metro Dollar, l'Inso qui est dans le coin. L'Inso, il y a Dadju dans les parages. DJ HQ. Il est arrivé, je l'ai pas vu. DJ HQ. Il est là-bas, DJ HQ. Gritos. Prends ton. Emilien HQ est disponible en préco. Sinon, le lien est disponible en préco. Ça, c'est pour tous mes Wati soldats. Raison, le lien pour les 15 ans du Wattibos Volume 2, c'est important d'avoir ce CD, il est disponible. Et dans un instant, gros live qui se prépare juste avant freestyle par téléphone avec MLK de Bagneux. Salut MLK. Salut, ça va bien, en pleine forme? Ouais, super. Tu es prêt à kick en 1:30? Ouais, prêt, ready. Et ben on balance l'instru, c'est parti mon pote. Ok. Ok. MLK. Yo. Big Punch. Gars, tu n'es pas préparé. Pleurs, car pleuf, des rimes de taré. J'ai pas de buzz, mais le flou dont tu veux t'accaparer. Nous deux c'est pas pareil, un yaourt me bousille le palais. Quand ça se calme, tu la douce, vois qu'il les rend tous pâle. Pousse-toi, là ça tousse, car j'en donne tous froid dans le dos. À dire vrai gars, t'es pas dans le faux. Quand tu dis qu'il y a plein de rappeurs et que je ne suis pas dans l'eau, j'en suis lassé de rapper sur des faces. Et je veux taper l'album que vous aurez envie d'acheter. En attendant face cachée, jacté, oui jacté. À vos marques, bref, mytho téléchargé. Rien à faire, moi je veux tape tout part. Mon flow devrait être illégal, alors je plaide coupable. Forcément sur une Wattibone instru, j'écris de Wattibone. Phase, yo, phase, kiff en attendant ton Watty comeback. Deck de Tarba, embête un tab, gars. Sans deck, j'bavarde pas, provoque des flashbacks. Mais dis-moi si tu sens l'attention qui monte à chaque phase. Qui t'a pas partagé, fait péter les clap clap. Je manie et salie le beat, gagne les paris. Je vois les amis qui salivent et tous les faux culs qui salient. Tu ne sais pas si ça panique quand la dalle m'anime. La concubine quand j'arrive et fait en bas de sa valise. Vas-y, laisse rimer, oui, vas-y, laisse filer, laisse baisse. Qu'il est MC qui se disait stylé. Moi j'ai mes bêtes d'idées vertes, qu'il est j'baisse. Qu'il est mec qui sous-estimé. Oui, vas-y, laisse rimer. Moi je m'en tape, d'être sûr ou bien sous-estimé. Je veux que la life à laquelle je pense être destiné. Je veux qu'album et concert me fassent dîner. Pour ça, Marie, mettez-le au point. Je vous laisse deviner. Dream. La vie du Wati Boss, la vie du Wati. Lourd. En plus, il est parti chercher en Wati Wati. Bravo. Eh bah écoute, bravo MLK. Tout ça, lourd. Rappelle-nous les adresses où on peut te trouver sur le net, c'est le moment jamais. Sur YouTube, vous tapez MLK, il y a mon concours, mon freestyle vidéo pour le concours Marine Monster. Ouais. Voilà, MLK, vous cherchez, vous pouvez trouver. Hein. Ah, c'est MBA Luther King. Et on peut te suivre aussi sur Twitter, c'est Lulu-8 alias MLK. Et sur Facebook, j'ai une page aussi MLK, pareil. Eh bah super, et bah bon courage pour la suite MLK. Merci, je peux passer des dédicaces? Vas-y, on t'écoute. Ouais, dédicace à mon bro Yanis, Sabou, Zekid, Gabi P, Thibaut, Lulu de Toulouse, mon poteau Michael, Rémi aussi, ma famille qui est juste à côté, tout Ionesco, Léonard de Vinci, Marco, Sarah, la SEF et tous ceux que j'ai oubliés quoi. Merci à toi, MLK. Merci. Ciao, passe une bonne soirée. Est-ce que tout le monde est prêt maintenant pour on le live? On va passer au show, on est prêt, sérieux. Attends, il y a Black M, c'est maintenant que tu veux. Après, non, après. Chabani. Après. Restez jusqu'à la fin du freestyle parce que. CDWB. Et dispo partout. Allez-y le voir. Et si maintenant vous êtes prêts, il est grand temps de passer au live HQ. Est-ce que t'es prêt? HQ. Je suis inquiet, je n'entends pas tes doigts d'or. Ah, c'est bon. Tu veux, je beatbox. Vas-y. C'est la rue là. C'est la rue là. Tawala BX. C'est qu'une question de temps. Red Cross arrive en force, c'est qu'une question de temps. Et si t'essayes de nous ralentir, proto, tu perds ton temps. Ouais, c'est qu'un freestyle. En attendant casse départ. Ouais, c'est qu'un freestyle. En attendant casse départ. Putain de freestyle. En attendant casse départ. Skyrock, un freestyle. En attendant casse départ. Ça qui mange, c'est qu'trangle seul, hein. Après ce son, tu mettras ton orgueil dans un cercueil. Ce qui paraît trop te comparer à nous, mais je te cache pas que c'est tendu. Si tu veux nous faire la guerre, les mots t'étonnent pas de finir perdu. J'ai un œil sur la famille, un œil sur la perdue. Si les gens achètent ton CD, c'est juste parce que t'es un vendu. Je suis pas prêt de changer, et faut que ceux qui en doutent, la reste me sert de GPS. C'est pour ça que la richesse me fera pas perdre la route. Marquez fort, si tu vas, je pense que t'es en maison de 10. T'es rentré dans le navire sans galérer ou prendre de risques. Si t'essaies nous mettre des barcons dans les roues, c'est qu'on est puissant. En toute humilité, on est pas à plus de 25%. Arrête ton chien, viens, et viens me voir sur du poisson. Viens pas me serrer la main. Tu sais, pas de jargon, s'il te plaît, prête attention. Écoute bien ma question. Est-ce que tu serais signé dans un label si t'avais pas de pression? Révolution dans la classe, on va tout canner, mets-toi sur le côté. Je répète, si t'es pas prêt, mon équipe va te faire sursauter. Les ennemis prennent des balles dans le crâne sans savoir qui es-tu. Et si le savoir est une arme, les ignorances sont tirées dessus. C'est pour mes frères en bleu, ouais, frères en noir, ouais, partout, ouais, Dawala, ouais, Big Yes, ouais, Watibé, ouais. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils se mettent à paniquer. Ça fait des années que j'attends que ces enfoirés me fassent la face. Le Watibé arrive, ça la on va cardiaque ta place. T'as qu'à venir me voir en face à face, tu veux que j'éclate ta face. Et si l'amour est dans les airs, on porte des masques à gaz. Wendy aka, double bastos dans ton cervelet. Si t'es un vrai te tais, mes reflets, faire voir l'enfer de près. Flamber le CEO avant de caler, c'est ce qu'ils aiment faire croire aux vieux. Parce que t'as vu des quartiers chauds, chez moi t'auras pas froid aux yeux. Tu sais que t'es dingue, mais je peux pas du rappeur Carrie. Harry, t'as pas le gabarit de Daniel Harry. Pour ce projet, poteau, on enregistre des chansons. Je me défoule sur quoi? Carrie, si sous le grain de sens. On est parqué par un album. Je l'écoutais comme tous les morceaux, c'est Red Cross. Donc un deck au retour du coup de coffre. Impossible d'identifier mon milieu de fiche. Comme un amphibien, c'est pas notre en galère. Or, tout le monde sait que tu vis bien. Révolution dans la place, on va tout canner. Mets-toi sur le côté, je répète. Si t'es pas prêt, mon équipe va te faire sursauter. Mes ennemis prennent des balles dans le crâne sans savoir qui les tue. Et si le savoir est une arme, les ignorances font tirer dessus. C'est pour mes frères en bleu, ouais, frères en noir, ouais, partout, ouais, Dawala, ouais, Bruxelles, ouais, Watibé, ouais. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils se mettent à planique, ouais, puis 9 checker le primeur, 20 os locaux, je le barquette. J'en place une pour chaque quartier. La bonhomme qui lâche pastèque. Les gens qui aiment parler pour rien, je leur dis de tenir leur langue. J'ai une forêt dans ma pantie, enfoiré, j'ai trop Timberland. Quand j'y reste, c'est normal que tu vois rouge. Rouge, ça fait longtemps que tu parles, mais non, faut que tu te bouges. J'ai plus 3 heures à maîtriser mon chant et mon débit. 2014, c'est mon blan et je vais pas te laisser une seconde répit. Bon, un jeu, j'envoie pas des pics. VG dans les Antilles, on a EP à sortir. Va tiper le blaze de l'Empire. Faut autant nous couper, sortir. Personne pourra nous ralentir. Si je te dois sortir. Pas du sens figuré, si je les terrains. Donc prends tes jambes à ton cou si tu veux pas qu'on en vienne aux mains. YB enfoiré, c'est pas si simple. Et si je te dis que je vais faire le portrait, s'il te plaît, crois pas que je suis pas. Révolution dans la place, on va tout canner. Mets-toi sur le côté, je répète. Si t'es pas prêt, mon équipe va faire sursauter. Mes ennemis prennent des barres dans le cas sans savoir qui les tue. Et si le savoir est une arme, les ignorances vont tirer dessus. C'est pour mes frères en deux, ouais, vers le noir, ouais, partout, ouais, Dawala, ouais, Bruxelles, ouais, Watibé, ouais. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils se mettent à paniquer. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils se mettent à paniquer. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils se mettent à paniquer. Marou Marouane, Red Cross Section, s'il te plaît. Allez là, J'ai des rappeurs à régler, Weston, vous ne pouvez même pas aller pas. Vous les tueurs sont quasiment faites pas. Les fans de reste putain départ. On te frappe juste avant casse départ. Je suis auteur et beat mais cœur interprète. Tu veux de l'armée de one watch t'en fait. Faire vite avec nous t'assure que t'es parfait. Moi je t'aime tu mais t'inquiète on se calme après. La plupart des MC ne connaissent pas l'insomnie. Pour se conseiller d'éviter de me faire des calomnies. Je dis que des vérités mais faut que t'aies médité. Éviter ma signature avec le label ou à Tibéa. Ah ou moi pas la peine de parler mal de Red. querelle. Une grosse dédicace à nos ouvrants d'état idéal. Guerre qui veulent pas qu'on grimpe. Ils savent ce qui se passe si j'arrive au sommet. Red Cross pour la guerre, on est fin prêt. Tu vas flopper, l'inverse m'étonnerait. Pas de pêche, j'envoie des rafales dans vos cas vus. Respect quand les grands du check sont de salut. Là j'écris vos places sur des pierres tombales. Fais tailleur prise si tu voulais qu'on se calme. J'en ai rien à foutre de vos suggestions. Vous chassez mon entourage et trucs et d'espions. Je vais te faire une concession, pas d'impression. Rafale sans concession, je mets la pression. Parle ce que les gens parlent, que les gens disent. J'ai le même top, mes portes se remplissent. Même si ils t'aiment pas vendre à la disque, je vois les caisses, je Red Cross, nous on garde à vue. Et j'en place une grenade qu'on garde à vue. On va vous sauter sa voix avant qu'on la roue. Solidaire, j'en m'en dis qu'il vient pas d'intrus. Papa, on va les faire morfler. Ratata, on va les faire morfler. On les intercepte quand on s'est pas censé. Et tu sais que moi tu peux pas t'allumer sans forcer. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Chronique toi qui passe. Ouais, l'ancien, tu crois que t'es dans le coup. On va vous terrasser pour remettre dans le trou. La plupart de tes flots valent pas 5 sous. Tu vas piger ce que ça fait de passer en dessous de nous. C'était pire qu'une photo ratée. T'étonnes pas que je touche pas ton cadet. Tout le flot de Red Cross se cache un trésor. C'est pour ça que nos sons vont se faire pirater. Ton buzz avance à des millimètres. Donc je vois ton flot arriver des millions de kilomètres. J'espère que maintenant t'as bien compris dans le game c'est kilomètre. Pas le temps de chipoter, on vous donne le saut pour le mettre. Si c'est le millimètre, je suis en dette. Pour moi, il minimise et fait. Reste en tête. Je suis tellement balèze que j'ai lance plus en tête. Je prie des sacs à main des fumeux et son tournage. White Beach, je suis le seul relou du roi. Normal, je jamais dans l'anonymat. Si t'as pas d'inspi, pote, pote, copie moi. Ce que je fais, c'est haram. Voyez le matin qui va, je m'enferme leur vie. Toi qui parles, pas de moi. Les bélèques, ça tourne vite au Kawan. Et tes sables viennent de Shanghai ou de Taïwan. Donc tu pourras pas venir me dire que la vie fait pas le noir. J'ai lancé des portes d'un bi. Oh, l'habitude des trails par tes arbitres. Je répète, on a beaucoup de rappeurs à régler. Bref, je n'ai pas le temps, maman, c'est déréglé. Je te dis qu'à vivre dans tes gants. Rêve, dans le rap, pour craquer, on parle de mon rêve. Demande à la rue, tu nous caches tes mains. Rêve, t'es le voir en freestyle si t'es fort. Ok, Red Cross, on est en garde à vous. Et j'en place une pour les mecs en garde à vue. On va vous sauter sa voix avant qu'on la roue. Solitaire dans mon équipe, y'a pas d'intrus. Papa, on va les faire morfler. Ratata, on va les faire danser. On les intercepte quand on s'est pas sorcier. Et tu sais que moi, tu fais péter les mains. Oui, c'est les chroniques, moi, tu passes. Chroniques, moi, tu passes. Chroniques, moi, tu passes. Chroniques, moi, tu passes. Chroniques, moi, tu passes. Chroniques, moi, tu passes. Chroniques, moi, tu passes. Auto-get le seum, auto-get le seum, auto-get mes sermes, auto-get mes sermes. J'ai une pensée pour B, ma grâce qui a pris du ferme. On est parti comme les Farka, je tue toi comme ta Chapka. Votre proto vous a mis le rancard. Maintenant on va vous faire danser à Paga. Négro, j'ai pas de plan B, tous ces plans B. Pas ton piercé, il faut tout changer. Les paroles sont sensées, parce que mes idées sont sans pierre à pour danser. Red Cross BX, c'est le Twitter, la même chose pour Instagram. La concu sert à rien, comme un dealer à Amsterdam. Moi tu mets sous le tas, proto viens plus voir, je regarde quand. Négro, c'est qu'on arrive en force. Si tu nous suis, tu vas faire une entente. Comme d'un voilà, j'ai tout compris. Les groupes ils veulent me voir à tout prix. Le mal est présent donc je prie. Trop d'hypocrite donc je prie, hein. Red Cross, on est au garde à vous. Et j'en place une pour les mecs au garde à vue. On va vous sauter sa voix avant qu'on tourne la roue. Solidaire dans mon équipe, y'en a pas d'un truc. Papa, on va les faire manquer. Ratata, on va les faire danser. On les intercepte quand on s'est pas sorcier. Et tu sais que moi tu peux t'allumer sans penser. Chronique toi qui passe, ouais. Chronique toi qui passe, ouais. Chronique toi qui passe, ouais. Chronique toi qui passe, oui c'est les chroniques toi qui passe, ouais. Chronique toi qui passe, ouais. Chronique toi qui passe, ouais. Ok, ok. Là les petits, les alchimistes, les petits BX. Ok, Red Cross, le ils arrivent. Les alchimistes, les alchimistes, nos gars sûrs de BX, ils vont tout prendre la famille. Le projet. On vous les présente. Ils arrivent. Chaud. Okay. Faites attention. Ouais, les alchimistes. Écoute ici. Ça. Rizno. Vas-y. HQ. Ok. Les alchimistes. Ok. Les alchimistes. Ok. Rizno. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais de quoi tu parles? Tu parles en tu sais pas. Ça fait un bail qu'on fait du rap. Je roule la mille à l'heure, toi t'as clip des rames. Tu perds ton temps, tu m'as dans le train. Projet, mille paquets. Que de la frappe dans le petit sachet. Genre les armes pour avaler des potes. Je fais du sale pendant reste en pas. Bang bang, c'est chelou, comment j'oublie pas. Je vous écoute, mais bon, j'adhère pas. Je vais faire mieux, poteau, t'inquiète pas. Bang bang, bang bang. Reste au Cameroun, on reste bloqué. Si tu clashes, on va répliquer. Faire du sale, c'est pas compliqué. C'est le meilleur, y'a pas de combat. Y'a que les larges qui mettent des coups bas. On blague pas, évite le contact. Bah les mecs je coupe pas. Moi t'es frappe quand t'as balancé. BXL faire danser. J'ai calculé hop, j'ai les pas de comptable. Tu crois qu'on joue mais t'es mal comptable. T'es mort comptable, j'ai les mains qui tremblent. Faire de speed, j'ai du bif à prendre. Moins d'affaires qui m'attendent sur le kill. J'suis pas si on pote, on reste tranquille. J'suis pas trixé dans ce monde du père. J'rentre dans le jeu directement du père. J'suis pas testé mais c'est pas logique. Flap débarque quand je regarde ta kiff sans faille. Je veux le trop prendre de ta matrice. Gros tu croyais d'attaquer un kiff. C'est les alchimistes, pas tes vieux artistes qui ont dépassé la barre des 26 piges. Matin on a fait beaucoup de sacrifices. Normal qu'on va péter comme un verticiste. C'est mon petit-fils, moi mon arrière-petit-fils. Tu ne vois pas tout ce que j'ai bâti. Des tonnes de sel, c'est mes édifices. Donc d'office, bientôt dans les box office. C'est pas d'accord, j'ai de toi mon beau-fils. Nous on se vous rendre par les orifices. Ils ont nos vices, même pour Clovis. Rock musique, lis la notice. Avant de pêcher le dis, j'ai ton grossiste. Dans ce game, y'a bien le monde de faux sagique. Le gang des postiches, j'arrive pas à sa cheville. Sale rageux, occupe-toi de ta vie. Viens pas faire nerveux par ici. On t'arrache les cheveux, tu passes aux aveux. Tu repars avec une calvitie. Rime pas ton baveux, va nous faire baver. Y'a pas de marque, ils ont tous le même style. Mais comment hostile, hostile, de manière si hostile, on se fait rare comme des fossiles. J'érige une facilité de poser comme des fossiles. Flow missile, t'es guidé et j'associe mes rimes aussi sans souci. Il est possible que mes textes vous citent. Les alchimistes, les chroniques, tu vois, tu bosses. Ouais, ouais, tu bosses le lit, tant pis. Allez, j'ai acheté les choses. Le 15 septembre dans les bacs. Le 15 septembre, la famille. Les alchimistes, Sortimètre, FL, Révolution. Rap, négo, change d'instru, go. Change d'instru, HQ. Les Ulysse. Le S-U-L-I-S, les Ulysse. Dawala. One X, gros. What you boss, gang. Yo. À la vie après la mort, et souvent la police. New Jack, écoute, yo, yo, yo. Je pense à la vie après la mort, et souvent la police. Yeah. Yo. Ok, yo, l'alliance, la chemise. Ok, yo, j'aime pas le camping, mais je me sens bien dans ta tente. Fais vendre des millions de vies sans jamais avoir fait de vente. MC ton flow est cancérigène comme l'amiante. Pas de chance, je suis venu forger ma légende. Vous me devez allégeance. Oui, les gens, la concurrence est léger. Sur le champ, votre style est amégé, très méchant. Tapping, et quoi qu'ils disent, moi je kick et gratte des hits sur le beat. Je rappe ma vie, j'ai le style qui drague des filles. T'es qu'un bambo, tu rappes moins bien que ma daronne. À force de faire du yaourt, tu vas signer chez Danone. Oui, en gros, à ma chaîne, faut que tu t'abonnes. Y'a de la bonne, pas besoin de préciser. Que ça cartonne, watchy bouillaka, bouillaka, welcome to the wa-a-a. Rafale de balles quand je pose, ça fait ratata. Kabeng, je liquide, pour le boss, je milite. Watchy bomb, je débite, l'alliance c'est l'équipe. Oh, là, New Jack, 0 CM, yo, je reviens. Tony, Tony, attention. Yo, ça va glisser ça. Yeah. Souterraine, économie, tous d'humeur palestinienne. Peu de revenus, c'est la Serbie. Pas des marauds toute la semaine, le shit est coupé en lamelle. Rien les galères, rien Helen. Pense à la baraque au bled, des métazos et les ladarons. Côté obscur des HLM, famille nombreuse, il faut de l'oseille. Le système, on sodomise. On espère que Mariam nous aime, on fume, on pèse, on s'alcoolise. Vas-y, la crème, la mauvaise graine, veut atteindre la terre promise, sans causer et faire de peine. Mon autre alarme s'élève, je suis dégoûté de la vie. Je rêve de barrer au soleil, loin de Panama, six soucis. J'ai du mal à trouver le sommeil. Incurable, cette maladie, cause ma monde aucun remède. Yeah, Tony, Tony maintenant, TN, Tony maintenant, T-Fame, T-N Crew, vas-y, hey. C'est Tony, Tony, Tony, Tony, passe pas le mic, man, j'crame le chromi, chromi, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, passe pas le mic, mic, mic, mic, mon tech L en XL, mon sexe symbole, facile, j'excède et j'accède à notre level, comme Face Evans, au Queen Sevens, j'ralec en attendant mon next level, level, c'est quoi du shit Kevin? Non. Du fric Kevin? J'ai pas le style, ni la vie, ni le fric Kevin, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes, des textes crus, des phases et des phases et des phases, mais si tu veux que tu m'excuses, excuse, c'est chaque nouveau texte tu, si ce texte je compte tu, les MC peuvent se chier dessus, les MC peuvent se chier dessus. Dans ma cour, à chaque fois ça sera déter. Trop la guerre va commencer, toute ma clique à les déter. Section des déterminés, t'inquiète pas, on n'a pas fini. Toutes les missions qu'on a fait, gros, ils sont tous accomplis. Gros, n'a pas à choisir, tu vas payer toute ta vie. Jacques Jacques, c'est authentique, que maintenant tu attends le clic. Nous, on est des soldats, demande à Baguera. Non, on cherche la gagne, ça sera obligé de faire du cri. Pas. Chronique du Wati Boss. Mais bon, c'était, voilà, c'était un petit passage avec toute la famille, tous les gens qui nous accompagnent depuis longtemps. Fini pour le freestyle. Merci en tout cas pour cette grosse semaine de l'équipe du Wati. Ça a kické. Il y avait tous les quartiers, c'est ça le Wati B. Il y avait les mecs du 9-4, les mecs des Ulysse, il y avait les mecs de Mo. Colliné, 19e, à 19e, ça vient de chez ça vient de partout. Ça vient de partout. Et alors, je crois qu'il est grand temps maintenant de faire cette annonce. Black M, les yeux plus gros que le monde, encore disponible dans les packs. Évidemment, qui fait un véritable carton. Toujours disponible, toujours alors, disponible. Alors qu'est-ce que tu as à nous annoncer, hormis aussi cette tournée, on peut dire un mot sur la tournée de Black si M, hein. grosse tournée, qui débute le 11 octobre en Suisse à Lausanne, le 12 à Saint-Julien en Alban, le 17 octobre à Pessac, le 23 au Zénith de Dijon, 24 octobre à Lyon, le 25 octobre à Montbéliard, 29 à Nantes, le 30 à Rennes, 31 octobre Caen, 7 novembre à Rouen, le 8 novembre à Lille, le 14 au Zénith de Clermont-Ferrand, 20 novembre, Zénith de Montpellier, 21 novembre, Dôme de Marseille, 22, Zénith de Toulouse, 23 novembre, à Tonnex en Suisse, 30 novembre, à Brive, 4 décembre, au Zénith de Paris. C'est bien, tu connais pratiquement toutes les dates par cœur. 5 décembre au Zénith d'Amiens, le 19 décembre à Pau, au Zénith de Pau, 20 décembre au Mans et 21 décembre à Amnéville. Amnéville, grosse tournée avec le Wattie. On attend tous nos Wattie supporters. Et là, je suis tout simplement venu t'annoncer la date de sortie de la réédition des Yeux plus gros que le monde. Je me doutais qu'il se passait quelque chose. Ouvre bien tes oreilles. Les yeux, même les yeux, tu les ouvres. Et les oreilles et la date. Alors attention. Donc, attention, le moment, l'heure est grave. Il faut bien tendre l'oreille. Supporter de Black M, du Wattie Bay. Alors, il va donc bien. Y avoir une réédition. Ouais, la réédition, c'est simple. L'album s'appelait Les yeux plus gros que le monde. On a fait le tour, on a voyagé, tout ça. Et là, on est revenu, on a constaté qu'en fait, on a le titre de l'album, la réédition va s'appeler Le monde plus gros que mes yeux. Bravo. Parce qu'il fallait la trouver, celle-ci. Ça, c'est après avoir fait le tour du monde. Après avoir. Il a vu avec ses yeux. J'ai vu avec mes propres yeux qu'en fait, le monde est plus gros que mes yeux. Que tes yeux, ouais. Donc, je reviens avec la réédition, elle va s'appeler comme ça. Et ça sort, attention, ouvrez bien vos oreilles, le 17 novembre. 17 novembre. 17 novembre. Alors que tu seras lancé. En pleine tournée. Mais là, je suis en train de la bosser, là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la réédition? Évidemment, l'album. Tu vas trouver l'album et je vais sûrement mettre 5-6 exclus, dont le fameux Black Shady Partie 3 que énormément de personnes attendent. Et attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bah écoute, c'est déjà une bonne chose. Donc on a retenu 17 novembre réédition de l'album qui s'appellera donc Le monde plus gros que mes yeux. Plus gros que mes yeux. Plus gros que mes yeux. Tout simplement. J'espère que tu as bien retenu cette date. Et je vois, regarde, ça y est, c'est parti, les messages défilent. Retenez bien, mettez-le même en top tweet. Le monde plus gros que mes yeux. Allez-y, avec le hashtag. Novembre. Ouais. Allez-y. À tous les Wattie supporters, on est ensemble. Bon, avant de se quitter, on rappelle aussi que la sortie, c'est lundi qu'on peut précommander évidemment l'album. Et avec un CD, vous repartez avec un t-shirt collector Wattie Bay. Comme d'hab. Avec tout le Wattie Bay, on va faire le tour de la France. Bon, on vous attend nombreux. Merci à vous en tout cas pour cette semaine. Le mot de la fin d'Awala, qu'est-ce que tu as à nous dire? Attends, je voulais dédicacer à un Zinglingli là, un Potawa. Il a beaucoup de dédicaces, des gars de Lyon là. Un Zinglingli, tu l'appelles. Un Zinglingli, je note. Qui vous leur chicha là, à la Velvet, nouvelle chicha longue. Ok, à Lyon, on est ensemble, Boren. Moi aussi. Attends. Karim, on est ensemble. J'ai mes gars, avec la chicha, l'Insight, c'est nouveau, ça ouvre. X1X. Il y a aussi nos gars en face de la boutique Wattie Bay, El Badia. Et n'oubliez pas, le White en Algérie. N'oubliez pas, on donne rendez-vous à tout le monde avec. Il y a beaucoup de choses à ne pas oublier. Ah, il y a plein de choses à ne pas oublier. Là, le plus important pour l'instant, c'est le 15 septembre, les chroniques du Wattie Bay volume 2. Tiens, et on va finir aussi donc sur Assos de Malfra qui organise un tournoi de foot le 27 septembre au stade de la Prairie. C'est le 9-4 football avec 16 équipes, 7 sur le terrain, avec Angues, Dry, Démon, Girochrome et plein d'autres. Donc c'est noté bien le 27 septembre, Quête Choisie, stade de la Prairie. Donc, en plus, on a une équipe là-bas, donc tous ceux qui viennent, on vous prévient, le Wattie Bay sera là-bas avec leur équipe. Achetez des filets avant de venir. Bang le gâchis. Bouge pas, 15 septembre, qu'est-ce qui sort? 15 septembre, c'est les chroniques du Wattie Bay. Je savais. 15 septembre, qu'est-ce qu'il sort? Il sort les chroniques du Wattie Bay volume 2. Le 20 octobre, qu'est-ce qu'il sort? Le 20 octobre, il sort le... Mais Masquin, j'allais dire, espace-temps de Masquin. Le 17 novembre, qu'est-ce qu'il sort? Oh là là, alors attention, là, faut pas que je me plante. Le monde plus gros que mes yeux. Voilà. C'est la réédition de l'album de Black M. Franchement, ça a été une belle semaine avec tout le Wattie Bay. On a vu que le Wattie Bay, c'est une grande famille. Ouais. Donc, on compte sur vous. Tous les Wattie supporters, on compte sur vous le lundi pour aller pécho le CD. On est ensemble. Je dédicace à tous mes gars, TN Crew, Black M. Ceux qui sont passés au micro aussi. Derry Greg est derrière, Maska. Tout le Wattie Bay. JR et Doumams pour la Vendetta. On compte sur vous. Les Shinsekai, t'es bête ou quoi? Le DJ HQ. Linda, Charlie, BY, Cross, Orléans, tout le monde, mon gars, John K, tout le monde, Insouk. Eh bien, merci à vous tous en tout cas. Merci à vous tous d'être passés cette semaine. Franchement, c'était un pur kiff. Et rendez-vous lundi à la Wattie Boutique avec le CD Les Chroniques du Wattie Boss volume 2. Merci à vous tous, bravo. On va retrouver D-Fool maintenant. Et toute l'équipe de la radio. Yes, Fredo. Allô, allô. L'équipe toute seule de la radio. Ah, Samy. Tu as ça va ou quoi, les gars? Tu as l'abandon. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Mamadou Ndiaye, il est là, du full. Je voulais saluer aussi Edith qui a gagné ses places, ses toutes dernières places. Tout à l'heure, on n'arrive pas à la joindre parce que je pense que c'est le bordel au Stade de France. Alors, rejoindre. Poto, on va aller la chercher, t'inquiète. Donc, on va aller récupérer les places. On va aller la chercher, elle est sortie. En tout cas, merci, merci, Fred. J'entends Difool. Il est là. Oui, Difool et tout. Tu es au Stade de France, Difool, peut-être? Difool futé au téléphone. Tu es où? Bloqué par Jay-Z, Beyoncé, mais j'arrive. D'accord, ok. Tu as été les, les voir, tu as été les saluer pour leur arrivée, évidemment, sur Paris. Je sors du Stade de France, d'ailleurs, Fredo, Beyoncé t'embrasse très fort. J'y vais, là. Je vais l'accueillir, toi tu l'as accueilli juste avant qu'elle monte, je vais l'accueillir à la sortie, comme d'hab. Pas de problème, elle t'attend, Fred. Hein. Mais, évidemment. Et Jay-Z te salue aussi ce soir. Dis à Jay-Z d'aller acheter le CD là, le 15 septembre, mon frère, tu disais Dawala. Justement, on vient d'en parler, parce que tu l'as annoncé dans Planète Rap, ouais. On vient d'en parler juste à l'instant. Ouais. Je pense qu'il va revenir à Paris spécialement pour l'acheter. Ah, il va revenir, non mais il n'a pas besoin, et là il le télécharge. C'est disponible. Non mais lui, il préfère l'avoir en physique. Shabba, ok, c'est un zingligli aussi. Ah, c'est un zingligli, j'aime bien cette expression. Zingligli. C'est une expression du WAN encore, zingligli. Mon gars, tu peux l'utiliser si tu veux. Ah, je la garde. Bon, ben ok, on garde aussi zingligli, c'est ça? Voilà, les zingligli, tous les zingligli. Rendez-vous le 15 septembre à Châtelet, on est ensemble. Wati Boutique. Wati Boutique. La Wati Boutique. Eh ben merci à vous, nous on va arriver dans un instant. Et là, on vous attend. Avec toute l'équipe et avec DJ Amida. Kaina Samet qui était avec nous aussi lundi. Bien sûr. On va retrouver l'artiste qui est venu nous voir cette semaine aussi dans la Radio Libre. Et puis le grand Rimka du 113 pour déconnecter. Et grosse soirée en prévision, je annonce l'arrivée de Pamela aussi dans un instant. Je sais que tu l'aimes bien, Fredo. C'est bon, ça. Magnifique, moi j'aime beaucoup. Ah, ça, c'est bon ça. Dawala aime beaucoup Pamela aussi. Il y a plein de gens qui vont t'attendre ici là. C'est une des plus sexy de Ah bah c'est une sacrée zigligli, ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Elle aussi, ouais. Elle aussi. Bon, vous nous appelez au fait, hein, allez-y, hein, 01 53 40 30 20, il y a Samy qui fait tout seul ce soir. Ouais, ça va, tranquille, c'est pas mal. Profitez. Non, Momo, c'est bon, reste tout tête. Reste tout tête, tranquille. Merci Momo, c'est gentil. Allez, on est de retour tout de suite. À tout. On dirait jusqu'à minuit. Et Fredo, on te retrouve à minuit. Ouais, ouais, pour la nocturne 100% rapprochée avec du son des chroniques du What You Boss, volume 2. Voilà, qui sort lundi 15 septembre. Voilà, c'est bien, t'as tout à le son. Ça roule. On est ensemble, rentre bien. Ça roule, à tout de suite. À tout, on t'attend. Ciao. Ciao, merci. Allez, ciao. Je vous attends aussi, on arrive. Tous les matins sur Skyrock, il se passe plein.